Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, pour commencer la branche d'Abelimpe, où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Alléluia. Alléluia. L'Éternel continue à faire des merveilles dans la vie des gens. Amen. Nous allons recevoir un frère qui a un merveilleux témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir le frère Pierre ce matin? Acclamons pour le recevoir. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, mon témoignage, c'est pour rendre grâce à Dieu pour le changement qu'il a pu faire dans ma vie. Parce que, en vérité, lorsque j'ai quitté le pays pour venir au Ghana, j'étais pas stable dans la foi. Et je faisais ce que tous les autres jeunes font aujourd'hui. Ça veut dire les boîtes de nuit, les copines, voler et un peu tout ce genre de choses. Et lorsque j'ai quitté pour venir ici, mon père m'a fait confiance et en venant, ma vie ne s'est pas améliorée, mais plutôt empirée. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis déjà 5 ans et c'était leur vie encore pire. Parce qu'ils ne dormaient pas souvent à la maison. Ils pouvaient sortir et puis passer peut-être 2 jours dehors. Donc quand je suis venu, c'était la même chose. Et ils m'ont beaucoup intrigué, surtout pour la vie avec les copines. C'est vrai que j'avais laissé Satan le pays. Yeah. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, mais tu dois avoir une copine. Et j'ai eu une, ensuite deux, et ensuite plusieurs. Et je suis allé au point où je vivais avec une fille à la maison, malgré les autres que j'avais dehors. Et à la maison, je manquais souvent pas le whisky. Et mon ami est venu, Prince Godia, il n'est pas là aujourd'hui. Et il m'a simplement dit, tu fais quoi demain? C'est un samedi, je pense. Il dit, demain, je suis à la maison. Il dit, mais tu peux venir à l'église? J'ai dit, oh, ok, pas de problème. Donc, j'ai dit à ma copine, demain, on ira à l'église. Elle dit, non, moi, les églises du Ghana, là, non, moi, je n'aime pas le système, la manière dont les églises se font au Ghana, puisqu'elle n'est pas ghanéenne. Donc, je suis allé tout seul. Et quand je suis arrivé, j'ai vraiment aimé tout ce qui se passait, surtout que le pasteur nous avait appris un chant. Quand je suis rentré à la maison, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, j'étais pressé pour venir le dimanche prochain. Et au fur et à mesure, en venant avec le temps, je n'ai pas réalisé à quel moment ma mentalité a commencé à changer. Et la Bible dit que c'est par la vérité que nous sommes affranchis. Et j'ai commencé à connaître certaines vérités sur ce que j'étais en train de pratiquer et surtout les effets que ça pouvait me faire. Et j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que c'était difficile de me séparer avec toutes ces choses. Par la grâce de Dieu, je me suis séparé de beaucoup d'amis. Mais pour les copines encore, c'était difficile. Mais un jour, j'ai écouté un message dans la classe de 7 grands principes. Mon berger m'avait dit, le berger en nous a dit d'aller télécharger les dernières prédications de l'évêque Dag. Donc, il avait téléchargé une prédication qui a prêché à Durban et il parlait du sacrifice. Il disait que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son seul fils. Et il y a certaines choses qu'on doit sacrifier pour pouvoir gagner certaines choses. Et j'ai compris ce message de la manière dont il fallait que je sacrifie quelque chose pour pouvoir mieux mener ma vie avec Christ. Et le lendemain, je pense, je suis allé à Prière Clinique. Et le révérend Kenneth a prêché sur la dualité. Il prêchait vraiment sur la dualité. Et quand je suis sorti de là, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à toutes mes copines. À partir d'aujourd'hui, alléluia. Ils sont venus. Ils ont vraiment remarqué que ma vie avait changé. Et vraiment, même mon petit frère a donné sa vie à Christ parce qu'il a vraiment apprécié la manière dont j'avais réalisé un certain changement de ma vie. Donc, j'aimerais par ce témoignage encourager. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le même cas où j'étais. Et c'est difficile de s'en sortir. Mais je me rappelle, un jour, le pasteur prêchait, il disait que, il parlait de la loi de répétition. Et il disait que la parole de Dieu, c'est une eau qui lave. À force de venir à l'église, avant que tu te rendes compte, il y a beaucoup de choses qui vont déjà quitter ta vie. Accepter de faire le sacrifice qu'il faut pour suivre Jésus, parce que c'est pas souvent c'est quelqu'un va venir vous obliger à faire quelque chose, mais vous devez vraiment avoir la conviction par rapport à votre salut et décider de laisser certaines choses pour suivre Christ. Donc c'est ça mon témoignage ce matin. Yeah. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir la sœur Patrick? Un moment, ça me prenait la tête. Je pouvais me réveiller un dimanche et je n'ai pas envie de venir à l'église parce que je suis perturbée par l'école. Je vais en classe, je n'ai pas encore payé. Des fois, on disait même que les devoirs de classe, ils devaient venir contrôler. Un jour, je ne suis pas allée faire un devoir de classe parce que j'avais peur qu'on vienne me chasser devant mes camarades. Et à chaque fois, je suis dans la cellule de Chaviva, à chaque fois, elle me dit « Patrick, on part à l'église. » Alors, je boudais. À cause de moi, souvent, elle venait en retard parce que je ne voulais pas venir. Et je me rendais pas compte, mais à chaque fois que je venais les dimanches, c'est comme si Dieu mettait la parole exacte dans la bouche du pasteur, ça m'encourageait. Et à chaque fois que je venais, un dimanche je viens, il va dire, ne vous énervez pas contre vos parents. Et là, je pense comme quand je pense mal parce que je n'ai pas encore l'argent de l'école. Et ça m'aide et je prie. Et le prochain dimanche, je veux venir. Et je vais encore entendre une parole qui va me fortifier. Jusqu'à une semaine avant les examens, il y a 2 semaines, 6 jours avant, mon oncle m'appelle. Il me dit non, que toujours c'est moi qui envoie l'argent en premier, que ton père n'a qu'envoyé en premier. Il raccroche. J'ai dit, ah donc l'affaire là, les gens se discutent quoi. Et puis moi je suis là, j'attends. Je n'ai rien dit, je suis rentrée au salon, regardais la télé, j'ai seulement dit à Dieu que tu prends le contrôle. Parce que tu m'as pas laissé faire tous les devoirs là, qu'à la fin je ne fasse pas mes examens. Le lendemain, mon oncle a envoyé l'argent. Il a envoyé 1 300 $. Mais l'école, comme j'ai accouché, j'ai fait 1 an sans aller à l'école. Donc je dois 1 420 $. Donc il a envoyé 1 300. Il reste 120 $. J'ai pris l'argent là, je suis partie pour m'enregistrer. Avant de rentrer, j'ai dit à Dieu que tu n'as pas envoyé 1 300 $ pour que quand je parte faire les examens, à cause de 100 $, on va venir me jeter dehors. C'est pas possible. Je suis partie. Généralement, à l'école, l'ordinateur continue à compter, c'est automatique. Donc, il devait retirer l'année où j'ai pas appris pour remettre le compte à zéro. Et normalement, le compte-là devait donner 1 420 $. Quand la dame des finances appelle le gars de l'informatique et tout, ils commencent à faire leur truc, elle me pose une question. Elle me dit, est-ce que tu sais combien tu dois payer? Je savais, mais je n'ai pas dit. J'ai dit, je ne sais pas. Elle était avec l'informaticien. Elle a dit, ok, tu ne dois pas faire le dépôt de ce que tu as porté. Et quand ça va sortir, on te dira s'il manque ou bien s'il y a plus. Quand ils étaient en train de travailler avec l'informaticien, j'étais en train de prier que Seigneur agisse en ma faveur. Ça m'a pris comme ça. Seigneur, agis en ma faveur. Tu n'as pas envoyé les 1 300 $ là, que 100 $ me fassent sortir de la classe. Seigneur, agis en ma faveur. J'ai dit ça peut-être 10 fois avant d'aller payer. Après, je suis allée payer. Quand je reviens, je lui donne le reçu. Elle fait rentrer l'argent que j'ai payé dans le compte. Elle dit non, mademoiselle Patrick, est-ce que vous savez que ce que vous avez payé là, c'est trop? J'ai les preuves, hein, j'ai emmené les preuves. Oh. Elle dit, est-ce que vous savez que ce que vous avez payé, c'est trop? J'ai dit, ah, comment ça? Elle dit, non, normalement, l'école vous doit 200 $. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis rentrée à l'école. Je devais l'école. Et quand je sors de l'école, c'est l'école qui me doit. Et vraiment, merci. Merci à Dieu parce que si il me donnait pas la volonté, malgré les problèmes avec la famille, de dire que viens les dimanches, et quand je venais exactement, j'entendais la parole qu'il fallait de la bouche du pasteur Sam pour me fortifier. Peut-être même que je serais restée tout ce semestre pour dire que j'attends l'argent, peut-être qu'il n'aurait pas envoyé, parce que mon comportement n'aurait pas été bien. Et vraiment, j'ai compris que c'est le comportement avec Dieu, c'est la foi. Et je, vraiment, il m'a béni. Et merci, merci Seigneur. Alléluia. Un jour, toi aussi, l'école va te devoir. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir le frère Richie pour nos derniers témoignages? Est-ce qu'on peut applaudir et recevoir Richie pour un merveilleux, merveilleux et merveilleux témoignage? Alléluia. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis arrivé à Accra en 2012 et lorsque j'ai quitté Accra, mon père souffrait de l'hépatite B. L'hépatite C, c'est la maladie, c'est la partie de l'hépatite la plus dangereuse. Tu peux marcher, vivre. On ne va pas voir que c'est sur toi. Mais seul le docteur peut détecter cela. Et il souffrait de cela depuis longtemps. Et lorsque je venais à Accra, les docteurs avaient dit qu'au Gabon, on ne pouvait pas faire grand chose. Il fallait voyager à l'extérieur. Et en même temps, j'avais gagné le bac. Il fallait que je vienne à Accra. Donc, ma mère a forcé et je suis quand même venu. Et l'année passée, en 2016, le pasteur avait organisé des temps de prière, 3 heures de prière chaque lundi soir. Et il y a, pendant ces temps, il y a un lundi où on est venu et spécialement, on priait souvent pour l'église, mais ce lundi, on avait beaucoup prié pour nos familles. Et je me rappelle ce jour, le pasteur avait même étendu la main sur chacun de nous. Et c'était la même période où mes parents avaient pu réunir l'argent. Ils étaient allés en Afrique du Sud pour aller voir le docteur. So, après la prière, quelques temps après, ils m'avaient appelé, ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont vu les docteurs, le premier, le deuxième, mais c'est bizarre, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'hépatite C d'abord, et même l'hépatite B, qui n'est pas très dangereux, n'existe plus. Et je disais à ma mère que c'est bizarre, mais ça tombe dans la période où on a vraiment prié pour la famille à Accra. C'était la même période où il y avait les problèmes au Gabon, avec les problèmes politiques. Mais par la grâce de Dieu, je crois qu'au travers de ces temps de prière, mon père a été guéri de là où il est. So, tu peux être ici à Accra. La distance n'est pas un problème. De là où tes parents sont, la guérison peut atterrir. Et si tu es même encore ici, la guérison peut te retrouver là où tu es. Et dans le même élan, mon petit frère, au début de cette année, il était très maladif. Et il est bègue. Il bègue. Et mes parents disaient qu'il fallait aller au niveau de l'Ogoué, au Gabon, pour aller chercher les cascades, ben les chutes de l'Ogoué. S'il boit ça, ça va faire qu'il ne bègue plus. Mais toujours, c'était là. Ils étaient allés, ils avaient pris, mais c'était là. Il était toujours malade. Chaque fois, j'appelle, il est malade, ils sont à la clinique. Et lorsque je suis allé à Lomé, j'ai fait un mois. Le bishop à Lomé prêchait sur, pendant le temps de prière, chaque soir, on prenait la communion. Et il nous donnait des révélations sur la puissance de la communion. Et quand je suis revenu, ma mère continuait à se plaindre que ça ne va pas. J'ai dit que je pense que j'ai trouvé la solution. J'ai compris que au Gabon, peut-être on ne donne pas la communion aux enfants. Mais si toi, la mère, tu as la foi que la communion peut guérir ton fils, tu peux administrer la communion à l'enfant et il sera guéri. Je lui ai dit, allez-y dans une église, achetez le pain et le vin de communion qui vient d'Israël donné à l'enfant. Ils sont partis, ils l'ont fait, ils l'ont donné. Et la semaine, c'est là que la semaine passée, que j'ai parlé encore avec eux. Et que mon homme me disait que, ah, c'est bizarre, mais depuis là, ils ne sont plus repartis à la clinique. Le fils a arrêté de bégayer et il se porte à merveille. Et j'aimerais dire à Dieu merci. Et une fois de plus, dire que la distance n'est pas un problème pour Dieu. De là où nous sommes, si tu as un parent qui est malade, qui a un problème quelque part, il te suffit d'élever tes mains vers Dieu ou d'avoir la foi au pouvoir de la communion et tu recevras ton miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever et recevoir le pasteur? Acclamons s'il vous plaît. Alléluia. Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Est-ce que tu peux lever les mains? Lève les mains et demande, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, nous te remercions ce matin. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Et Seigneur, bénis-nous ce matin. Bénis-nous. Bénis-nous. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir cette parole qui a la puissance de nous guérir, de nous bénir ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Saint-Esprit, viens encore. Nous t'invitons. Prends le contrôle. Prends la charge. Entre dans nos cœurs. Touche le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Il y a un chant qu'on a chanté jeudi. Tu peux nous aider? Un chant qu'on a chanté jeudi. Quel chant on a chanté? Jeudi. Plus je te recherche. Plus tu es présent, plus tu es présent, plus je t'aime, plus je t'aime, plus je te recherche, plus tu es présent. Plus je suis présent, plus je t'aime, plus je te recherche, plus tu es présent, plus je te recherche, oh, plus tu es présent, plus tu es présent. Plus tu es présent, plus je t'aime, et plus je t'aime. Je voudrais être à tes pieds, boire d'une coupe en tes mains, être tout près de toi. Sentir ton cœur, cet amour si fort que je ne peux le contenir. Ta paix déborde en moi et m'envahit. Je voudrais être à tes pieds, boire d'une coupe en tes mains. Sentir ton cœur, cet amour si fort que je ne peux le contenir. Ta paix déborde en moi et une coupe en tes mains, être tout près de toi, et sentir ton cœur, cet amour si fort, que je ne peux le contenir, ta paix déborde en moi, et m'envahit. Je voudrais être à tes pieds, boire d'une. paix déborde. Ta paix déborde en moi. Et mon cœur, je voudrais être à tes pieds. Voir tu ne cours dans tes mains. Être tout près de toi. Et sentir ton cœur. Si fort que je ne peux le contenir. Ta paix déborde en moi et m'envahit. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta paix qui déborde. Te remercions ce matin. Oh, de plus nous te recherchons. De plus tu es présent. Seigneur, de plus tu es présent, de plus nous t'aimons. Seigneur, merci. Tu es tout près de nous. Sans le savoir, tu es tout près. Sans le savoir, tu es tout près. Et alors que nous te cherchons, Seigneur, tu es là. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis content de voir tout ce matin. Alléluia. Et je pense que vous serez bénis. Alléluia. Tout le monde a sa bénédiction dans la parole. Le besoin de chacun est différent. Alléluia. Et Dieu vient avec la réponse aux besoins de chacun. Alléluia. Si tu es là ce matin, tu seras béni et tu auras un témoignage la semaine prochaine. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Mais avant de prier, je veux juste partager sur le son. Alléluia. Le pouvoir surnaturel du son de Jésus. Alléluia. Le pouvoir surnaturel. Pouvoir. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a un pouvoir sur nous qui ne périme, qui ne périme jamais. Alléluia. Il n'y a pas de date d'expiration pour le sang de Jésus. Alléluia. Depuis plus de 2000 ans, le sang de Jésus a toujours ce pouvoir. Alléluia. Et dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre, est-ce qu'on peut nos Bibles, 1 Pierre, tout le monde, 1 Pierre. 1 Pierre. Alléluia. Nous allons prier. 1 Pierre, sachant que, chapitre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, tu ne lis pas pourquoi? Ok? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Si tu n'as pas de, tu peux lire avec son voisin. Si tu n'as pas de Bible, lis avec ton voisin. Ok? Le voisin, sois gentil et tu partages ta Bible avec ton voisin. Alléluia. Tout le monde lit, ne me regarde pas. Maintenant, on est en train de lire. Ok? 1 Pierre 1, 18. Une fois qu'on nous tous on lit ensemble. 1, 2. Par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Le sang de Jésus n'est pas périssable. Alléluia. Il y a beaucoup de types de sang. Le sang de l'homme est périssable. Après un certain temps, ça n'a plus de valeur. Alléluia. Et lorsque tu vas dans les hôpitaux, il y a des banques de sang. Alléluia. beaucoup de types de sang. Nous-mêmes, tu connais ton type de sang? Yeah. Quels sont les types de sang que vous connaissez? O plus, O moins, A, A, B, A, A plus, A, oh, c'est A, non, bien. A, B, alléluia. Il y a certains qui ont S, il y a un S, qui s'ajoute, et ça a des problèmes. Alléluia. Amen. Amen, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est l'anniversaire de... Ah, ok. Vous avez amené le gâteau. Deux gâteaux. Donc après, il y a fête. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de types de sang. Et ces types de sang périment, sont périssables, sont expirés, n'ont plus de valeur à un certain moment. Alléluia. Et lorsque tu vas dans les deux, comme je disais, il y a beaucoup de sang qui sont périmés, ne peuvent plus utiliser. Parce que le temps est passé. Il y a un temps déterminé. Alléluia. Mais c'est papa le sang de Jésus. Après 2000 ans, c'est toujours, il y a toujours des valeurs. C'est toujours puissant. Alléluia. Amen. Et ce matin, tu vas recevoir cette puissance au nom de Jésus. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Deuxième chose, le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel pour de vous sauver de votre châtiment bien mérité. Bien mérité. Bien mérité. Qui ici n'a jamais péché? Un jour, on a amené une dame à Jésus-Christ. On dit qu'on l'a trouvé. On l'a, comment on dit? Yeah, mais on l'a trouvé comment? On l'a retrouvé comment? En flagrant délit. Ça veut dire qu'elle était dans l'acte. Lorsqu'on l'a trouvé. Alléluia. Donc, elle ne peut pas dire que j'ai pas péché. Yeah, là, elle veut. Parce que si après, on te dit que ce que tu as fait, tu peux dire que tu n'as pas fait. Mais pour elle ne peut même pas dire que j'ai parce qu'on l'a trouvé dans l'acte. Je me pose la question, est-ce qu'elle était seule? Où est la personne avec qui elle était dans l'acte? Alléluia. Yeah. Et donc, on a mis la femme à Jésus, on dit que cette femme a péché, on l'a trouvée. On l'a retrouvée dans l'acte. Donc, la loi de Moïse dit, 1, 2, 3, elle doit être lapidée et tuée. Donc, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Et la question que Jésus a posée. Je dis ça à cause de nous tous. Parce qu'on aime parler des péchés des autres. Yeah. On aime parler des péchés. Même ce matin, tu as parlé de quelqu'un. Même moi, tu as parlé de moi, tu as déjà dit quelque chose que j'ai fait que tu vois que c'est un péché ou bien quelque chose. Et toi, la personne qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Yeah. Est-ce que tu es là? Tu sais que tu vois que tu es pécheur, non? Tu peux lancer la première pierre. Donne-nous pas la bouche. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes tous pécheurs. Et on est bien, on mérite bien le châtiment. La Bible dit que le châtiment qu'on devait recevoir, Jésus a reçu ça. Et son sang, c'est par son sang. Il nous a rachetés. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Mais le sang, à cause du sang, tu ne vas pas subir, tu ne vas plus subir ce châtiment. C'est le pouvoir du sang. Alléluia. C'est la puissance du sang. Est-ce que vous êtes là? Lorsque tu reçois le sang, tu ne seras plus châtié. Tu ne seras plus dans l'enfer pour recevoir le châtiment éternel. Tu ne seras pas dans l'enfer pour recevoir, pour être brûlé sans être brûlé. C'est ça, non? Yeah. Tu vas sentir le feu, mais tu ne seras pas brûlé. C'est le feu de l'enfer. Yeah. Parce que si, tu seras brûlé. Donc, ça veut dire que la douleur va s'arrêter dans une heure de temps, tu seras du cendre. Mais c'est pas ça. Alléluia. Le feu de l'enfer brûle, mais ça ne brûle pas. Ça brûle, mais ça ne consomme pas. Peut-être ça, vous allez comprendre. Moi, mon français. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais la puissance du sang nous sauve de ce châtiment. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Troisième chose. Nous allons prier. Okay. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel d'empêcher la mort. La mort. Tu ne vas pas mourir. Yeah. Et si nous parlons de la mort surnaturelle de ton esprit. Alléluia. Ce qu'on appelle deuxième mort. La première mort, c'est lorsque ton corps meurt. Alléluia. Deuxième mort, c'est lorsque tu es séparé de Dieu. Lorsque on te sépare de Dieu, tu es séparé de Dieu par ton péché. Tu es mort. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a deux sortes de morts. La première mort, c'est lorsque le corps est fatigué. Alléluia. Et je veux répéter encore et encore, encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Si tu es chrétien, bien, si tu es ici ce matin, tu ne dois pas oublier ça. Encore et encore. Encore et encore. Alléluia. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Tu es esprit. La Bible dit que Dieu a formé l'homme de quoi? De la poussière. Et puis après, il a fait quoi? Il a soufflé la vie. Il a soufflé l'esprit. Ce qui a donné la vie au corps, à la poussière, c'est l'esprit. Donc, il a soufflé la vie pour entrer dans ce poussière. Oui, cette poussière. Et c'est la poussière a reçu la vie. Donc, tu es esprit. C'est pourquoi lorsque tu meurs, on ne te met pas en l'air. Tu n'es pas en suspension en l'air ou bien quelque part, non. Tu retournes dans la terre, dans la poussière. C'est dans la poussière que tu vas retourner. Parce que tu es formé de la poussière. À un moment donné, dans les tombeaux, on ne te voit plus. On ne voit plus le corps. Peut-être la dent, les cheveux, bien, même les ongles, il y a, ça prend du temps pour. Yeah. Tu es esprit. Tu es esprit. Yeah. La maison dans laquelle tu te trouves a un temps déterminé. Yeah. Un temps déterminé. C'est pourquoi tu ne vas pas te lever le matin. Et tout ton projet, c'est d'embellir la maison qui va. C'est juste ton projet. Toute ta vie, c'est ton corps. Toute ta vie, c'est ton corps. Toute ta vie, c'est ton corps. C'est inutile. Parce que ce sont les termites qui vont se gérer. Un jour, il y avait une femme mariée qui ne veut pas, faire l'amour avec son mari. J'ai dit, toi, ton corps là, c'est pour les termites. Tu ne donnes pas. La Bible que ton corps appartient à ton mari et le corps du mari appartient à la femme. Donc si tu te maries et tu ne veux pas donner ton corps à ton mari, c'est inutile. Quelle utilité? Qu'est-ce que ce que tu fais là, les termites attendent? Oh, je me garde. Tu gardes ça pour les termites. C'est pas, je dis quelque chose de mauvais. Non, c'est l'importance de ton esprit. Est-ce que ton esprit, lorsqu'on parle, je suis né de nouveau, c'est pas le corps qui est né de nouveau. Lorsque tu fais la prière du salut, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe dans ton esprit. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'explique ce matin. Je suis né de nouveau. Ton esprit devient un nouveau esprit qui est prêt pour le ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, ton esprit ne peut pas aller au ciel. Est-ce que vous êtes là? Qui m'appelle ce matin? C'est pas l'heure de m'appeler. Faut savoir que je prêche. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, ton esprit, est-ce que ton esprit est né de nouveau? Est-ce que ton esprit a le visa pour aller au ciel? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et le sang de Jésus, c'est le seul sang, pas le sang d'un taureau. Le taureau, on dit l'eau bien là. La taureau, bien le taureau. Un jour, mon fils m'a demandé, comment est-ce que je vais savoir si ça là, c'est féminin ou bien c'est masculin? Il est en train d'apprendre le français. J'ai dit, ok, table c'est une. Chaise, c'est une. Cahier, c'est un. Comment est-ce que je vais savoir? J'ai dit, tu dois juste connaître. C'est ce qu'on nous a dit, non, bien. On doit apprendre tout. Tu dois juste connaître. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dans le sang d'une chèvre, le sang d'un animal, le sang d'un homme, un homme, ne peut pas te sauver. Seul le sang de Jésus. C'est ça qui a la puissance de nous délivrer de ce châtiment que nous devons normalement recevoir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Yeah. Même naturellement, nos corps, là où le sang ne coule pas, cette partie devient morte. Yeah. Il y a des gens, on a coupé la jambe parce que le sang n'entre pas dans cette partie. On coupe ta jambe parce que le sang ne coule plus. Il y a un blocage. Alléluia. Lorsqu'il y a un blocage quelque part, cette partie meurt. Est-ce que vous savez ça? Vous savez? Yeah. Donc si le sang de Jésus ne coule pas dans ta vie, tu es mort. Tu es mort. Ton esprit n'est plus là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vous ramener d'entre les morts. Et je pense que j'ai partagé ça. Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Tout le monde lit. OK. Hébreux 13, verset 20. Je finis, on va prier. On doit prier. OK. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Wow! Est-ce qu'on peut lire encore? Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le sang, c'est le sang de Jésus lui-même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce qu'il a fait de dire, non bien. C'est le français. Que le Dieu de paix, qui a ramené dans les morts, le grand pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, c'est qui? Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Il a même amené notre Seigneur Jésus. Yeah? C'est le sang de Jésus qui l'a ressuscité des morts. Wow! Est-ce que vous avez vu? Yeah. Et ce sang a le pouvoir de te ressusciter dans les morts. Alléluia. Il y a tout aspect de ta vie qui est morte. Ce matin, il y aura ressuscitation. Tu seras ressuscité. Ressuscité. Si tu as le vent ne travaille pas bien, le sang de Jésus va ressusciter cette partie. Yeah. Si les finances ne travaillent pas, ne marchent pas bien, le sang va ressusciter. Est-ce que vous êtes là? Donc, je finis avec ça, on va prier. Alléluia. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vaincre le diable. de vaincre le diable. Alléluia. Notez ce verset, on va prier avec ce verset. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Le pouvoir surnaturel de vaincre le diable. De vaincre le diable. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Yeah, nous sommes en bataille. L'ennemi est contre toi, tu ne sais pas. Les gens qui disent que l'ennemi n'existe pas. Le diable n'existe pas. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Et la seule chose, la seule arme, peut-être l'une des armes que nous avons, c'est le sang de l'agneau. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Amen. C'est le sang de Jésus. Ce matin, nous allons utiliser le sang de Jésus pour vaincre toute bataille, toute chose. L'ennemi a peur du sang. Il n'aime pas qu'on chante le chant, le sang. Il n'aime pas qu'on chante le sang de Jésus. Il n'aime pas les chants qui sont sur le sang de Jésus. C'est pourquoi beaucoup ne chantent pas le sang de Jésus. Hein? Les gens n'aiment pas le chanter le nom de Jésus, n'aiment pas chanter le sang de Jésus. C'est un projet du diable pour faire que les gens ne chantent pas le sang et le nom de Jésus. Yeah. Yeah. Ceux qui chantent, les rappeurs ne rappent pas le sang de Jésus. Les soloïstes ne chantent pas le son. Ils chantent quelque chose. Et puis les gens aiment ça. Et puis on est content. Et le diable est content. Le nom de Jésus, le sang. Je ne sais pas si les gens ont honte de Jésus. On ne peut pas mentionner. Parce que, par exemple, à l'étranger, n'aiment pas mentionner le nom de Jésus. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Les gens disent ça. C'est une tromperie du diable. On va avoir beaucoup de chants, dit des chants chrétiens. On ne ressent même pas s'il y a Jésus, il n'y a pas Jésus. J'ai dit à mes enfants, lorsque tu écoutes un chant, et on ne mentionne pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas le sang ou bien le nom de Jésus. Ce n'est pas un bon chant. Yeah? Toi, on ne t'a pas appris. Donc, tu aimes tous les chants. Les gens vont jusqu'à même écouter, même les chrétiens écoutent les chants mondains. Les chrétiens aiment les chants mondains plus que les chants chrétiens. Tu es en train de suivre le diable. Excusez-moi. Vous êtes content lorsque le chant vient et puis les chants sont comme ça, ok, je t'aime, ils aiment. Je t'aime, les amours, l'amour, l'amour. Et vous êtes content. Le diable aussi est content. Yeah, le diable est content. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Je veux avoir un groupe de rappeurs qui vont rapper le sang de Jésus. Qui vont rapper ce verset-là. Apocalypse 12, 11. Hébreu quoi? Hébreu 13, 20. Yeah. Je veux les chanteurs qui vont chanter les versets. Yeah. Comme le chant que la chorale a chanté aujourd'hui. Les gens n'ont pas aimé le chant. Mais c'est un chant puissant. C'est à cause de Jésus que nous sommes là. Yeah. À cause de Jésus, à cause de toi, à cause de Jésus, à cause de ces bénédictions que nous sommes là ce matin. Tu es là à cause de quoi? À cause de l'argent. Tu es perdu. 90% de ta vie est perdue. C'est fini. À cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Lèvez-vous, on va prier. Ta victoire, c'est dans le sang. Ta victoire, c'est dans le sang. Dis merci à Dieu ce matin. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous affirme, qui nous confirme, qui nous rappelle que nous avons notre victoire. On l'a vaincue à cause du sang, Seigneur. Merci. Merci. Merci pour Apocalypse 12, 11. Apocalypse, Hébreux 13, Seigneur. Merci pour les versets sur le sang de l'agneau, le sang qui a la puissance, qui est équipé d'une puissance, d'une compétence, d'une puissance, d'un pouvoir surnaturel, Seigneur, pour donner vie à nos corps, donner vie aux aspects de nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci pour le sang. Commence à appliquer le sang, à utiliser le sang sur tout aspect de ta vie, sur ta famille, au nom de Jésus. Applique le sang. Prends le sang et dis, applique, j'applique le sang. Je mets le sang de Jésus. Oh, les bros, c'est les bas, kalachambro, c'est les babas. Yi, que les mabros, c'est les bés, que les chambras, c'est les babas. Oh, pas le sang. Le sang, nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu les démons par le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos corps, sur la tête, nos pieds, nos mains. Au nom de Jésus, sur les poumons, les poumons qui sont malades, les cœurs qui sont malades. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus. Oh, les bros, c'est les babas, que les chambras, c'est les bébés. Et que les mabros, Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus sur nos mains. Sur nos mains, nous allons écrire l'examen et nous allons passer. Au nom de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur nos cahiers, sur les livres que nous lisons. Eh, les bros, c'est les bas, calamabro. Nous appliquons le sang de Jésus dans nos chambres, sur nos portes, nos fenêtres, le toit, le sol. Ah, nous fermons toute ouverture, toute entrée au diable, aux esprits mauvais. Au nom de Jésus, Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus. À la télé, Seigneur, à la télévision, à la radio, les démons ne pouvant plus sortir de ces appareils et entrer dans nos vies à partir de ce moment, au nom de Jésus. Et que les bros, c'est les babas, que les chambras, c'est les bébés. Entre les bros, c'est les bébés, que les chambras, c'est les babas. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus sur la chaise, toute chaise, sur laquelle, sur laquelle nous allons nous asseoir. Oh, les bros, les bas, tout lit sur laquelle nous allons nous allonger. Au nom de Jésus, Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus sur toute voiture, sur tout taxi, tout bus, tout trottoir, tout avion, tout bateau. Au nom de Jésus, Seigneur, que le sang dans Apocalypse 12, le sang de l'agneau dans Apocalypse 12, Seigneur, ce sang a cette puissance de nous donner la victoire. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Et nous appliquons ce sang au nom de Jésus sur nos vies, sur nos projets, Seigneur. Au nom de Jésus. Il que les bros, c'est les babas, qu'à la chambre. Entre les bros, c'est les bébés, que les chambres. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur la vie, sur le cœur de chacun ici. Au nom de Jésus. Seigneur, je détruis, je chasse tout démon, je chasse tout esprit mauvais qui tourmente, qui opprime, qui oppresse les gens la nuit, le jour, sur la route, à la maison. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, toute personne ici représente la famille. Et Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur la famille, au nom de Jésus. Je vais taire de Jésus. Au nom de Jésus. Ikelebro Selebaba Kalashaba. Antelebro Seleba. Antelebro Selebaba. Antelebro Selebaba. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur tout ce qui ne marche pas dans la vie de chacun ici. Et que ce sang donne vie. Que ce sang ressuscite. Ressuscite. Que le sang ressuscite. Le sang qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ressuscite tout aspect de nos vies qui est morte au nom de Jésus. Ikelebro Seleba. Antelebro Seleba. Antelebro Seleba. Antelebro Selebaba. Ikelebro Seleba. Antelebro Seleba. Ikelebro Seleba. Antelebro Selebaba. Je déclare que chacun est libre. La liberté revient dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Je déclare, je confesse. Ah! Je déclare, je confesse que tu es libre, tu es délivré, tu es protégé, tu as ressuscité dans les morts, les choses qui ne marchaient plus. À partir d'aujourd'hui, ça va commencer à marcher. Au nom de Jésus, Ikelebro, par l'autorité qui nous a été donnée. Seigneur, nous réclamons cette autorité, nous réclamons cette dominion. Au nom de Jésus, ceux qui sont malades sont guéris ce matin. Oh, au nom de Jésus, tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus, Ikelebro, Antelebro, Antelebro, Ikelebro, c'est le baba. Yakelebro, c'est le baba. Yakelebro, c'est le baba. Yakelebro, c'est le baba. Ikelebro, c'est le bébé. Abba, Alebro, c'est le baba. Alebro, c'est le baba. Alebro, c'est le baba. Alebro, c'est le baba. Ikelebro, c'est le baba. Ikelebro, c'est le baba. Commence à clamer, pousser, prier, à clamer, prier. Tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Tu es libéré, tu ne seras plus tourmenté. À cause du sang, à cause du sang, à cause du sang de l'agneau qui a résisté Jésus d'entre les morts. Au nom de Jésus, Ikelebro, c'est le bas. Antelebro, Ikelebro, c'est le bébé. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Commence à dire merci à Dieu. Remercie le Seigneur ce matin. Dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci. Il y a la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Lève les mains. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il a fait de briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Plus je te recherche, plus tu es présent. Plus tu es présent. Plus je te recherche. présent. Plus tu es présent, plus je t'aime. Plus tu es présent, plus je t'aime. Et plus je t'aime. Je veux être. Je voudrais être à tes pieds, voir du recours dans tes mains, être tout près de toi, me sentir ton cœur, cet amour si fort que je ne peux le contenir. Ta peur des morts, ta paix déborde en moi et m'envahit. Tout le monde, fermez les yeux. Fermez les yeux. Tu es là ce matin. Tu n'es pas né de nouveau. Ton esprit n'est pas prêt pour aller au ciel. L'enfer est réel, le ciel est réel. Un jour, nous ne serons plus ici. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont parties. Leur corps a été enterré quelque part. Mais leur esprit se trouve quelque part. Et toi, ton esprit, est-ce que ton esprit est prêt? Est préparé? A le visa pour le ciel? À moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Ce matin, je veux te donner l'opportunité pour faire l'une des prières les plus importantes que le chrétien peut faire. La prière du salut. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu, est-ce que tu peux lever la main? Tu veux naître de nouveau, lève la main. Avant de partir de cette salle, tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves ce matin. Lève la main. Lève la main. Donne ta vie avant de partir ce matin. Merci mon frère, je vois la main. Ma soeur, je vois la main. Je vois la main. Toi aussi, tu es là, les yeux fermés, tout le monde ferme les yeux. Tu es là, tu veux donner ta vie à Dieu. Lève la main. On a prié avant de partir. Seigneur, merci. Merci mon frère, merci, merci. Toi aussi, tu es là, tu veux lever la main, lève la main. Lève la main. Donne ta vie avant de partir. Avant de partir. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir vers moi? Je vais prier avec toi. Viens. Viens. Mon frère. Quelqu'un a levé la main ici? Quelqu'un a levé la main ici, là? Si c'est toi, viens. La prière la plus importante que tu vas faire ce matin. Et je veux que tu prennes cette prière comme ta prière personnelle et prie avec un cœur sincère. Alléluia. Donc, fermez les yeux et répète après moi, dis Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que tu as envoyé ton fils pour donner son sang, pour donner son corps, pour me racheter. Et ce matin, je crois que tu l'as envoyé pour moi et je le reçois dans ma vie. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, lave-moi, purifie ma vie, purifie mon cœur, purifie tout mon être. Au nom de Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à te suivre le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à VNP, non loin du Trotro Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h. Et les JT